Excusez-moi, madame. Vous habitez ici? Oui, je peux vous aider? Où est le métro Saint-Michel? C'est facile. Tournez à gauche ici. Merci. Qu'est-ce que c'est, Notre-Dame? Une cathédrale. C'est magnifique. Quand est-ce que c'est ouvert? Tous les jours, de 8h à 19h. Combien ça coûte? Ah, c'est gratuit, monsieur. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le musée de Cluny.